4h du mat, bah oui, c'est bonsoir, hein, je remplace Cédric. Marie, bienvenue sur NRJ pour le best-of de Koé, Manu dans le 6-9 et Guillaume Radio 2.0. Et avant, on écoute Clean Bandit. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I had so many empty rooms inside the shadows. día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente del pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo. Mientras me quede aliento. Solo le estoy pidiendo. Romper este silencio. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Sur Energy, c'est le soir de 22h jusqu'à minuit. Excusez-moi, mais qui s'embête quand je dis ça? Non, je rigole. Allez, ces émissions, c'est comme ça. Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Monsieur, je fais l'armée actuellement, j'aurais voulu réserver une chambre d'hôtel pour demain soir. Ah non, demain soir, on est complet. Ah, demain soir, vous êtes complet. Demain soir, vous êtes complet. Est-ce que c'est possible d'avoir la clim? Est-ce que c'est possible d'avoir la clim? J'adore la sodomie. J'adore la sodomie. Ils adorent se faire prendre le cul. Ils adorent se faire prendre le cul. Eh hey, on est bon là. Un petit dernier. C'est un peu le Dijon. Pour finir ce soir. À l'instant, nous avons Laurent Ruquier. Bonsoir Laurent Ruquier. Bonsoir, on n'est pas couché ce soir, on se voit Guillaume Plain pour son émission. Il est très très bon. Hein. Ah ouais, il faut dire quand même qu'on a des talents d'imitateur. Ouais, Sabrina, il faudra quand même que je te briefe sur comment on appelle les autres. Non, mais je pense que vu qu'après je raccroche, ça doit leur faire peur. Ah, mais il ne faut pas raccrocher, il faut dire je vous rappelle dans deux minutes, j'ai un problème de ligne. Bonjour. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. J'aimerais réserver une chambre, s'il vous plaît. Pour quand? Ça serait pour mardi soir. Ça serait pour mardi soir. Je suis à l'armée. Je suis à l'armée. On continue, on s'en bat les couilles. On continue, on s'en bat les couilles. Toute façon, je voulais pas de chambre. Toute façon, je voulais pas de chambre. Et j'ai pas envie d'aller dormir à l'hôtel. Et j'ai pas envie d'aller dormir à l'hôtel. Et vraiment merci les mecs pour tous les messages. Il est l'heure de faire un combat de boue. On m'a parlé d'un combat de boue. Est-ce qu'à l'armée on s'entraîne aussi avec la boue à faire des trucs, etc. Énorme Guillaume, merci beaucoup pour les dédicaces qui arrivent. 50 secondes en conduisant mon semi-remorque. J'ai pas toussé, on sait jamais. Salut Fabrice. Salut. Bonsoir à toi. Plutôt que de faire un combat de boue, vous pourriez faire un combat assis, Christophe. Oh non. Merci.

manqué de temps, j'ai rien vu arriver. Si je n'ai pourtant problème d'adulte à gérer, j'ai pris les devants sans dire que je vous en voulais. Sans bruit en partant, j'ai laissé quelques regrets. J'ai toujours pris sur moi, je suis resté en retrait. Très peu de souvenirs, juste quelques portraits. Je me suis construit tout seul, non personne m'a aidé. Et aujourd'hui ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé. Non je ne l'ai pas volé. Et le temps passe, rien ne s'efface. Tu as ta place auprès de moi. Devant cette glace, je me lasse. Sans ton visage, tu n'es plus là. Je voulais juste avancer. Je ne suis pas loin dans vos cœurs. J'ai laissé des bouts de nous et des chagrins, quelques larmes versées. Et les saisons défilent et nos avenirs se dessinent. Et il faudrait qu'on se décide. Au lieu de ça, on esquive. Je voulais juste avancer. Je ne m'en remets pas. Je vous ai laissé, je vous ai blessé. J'y pense à tout, mais je ne le dis pas. Alors depuis le début, je me tape la honte sur un nom d'artiste puisque je disais AJR alors que ça se dit AJR. Bon, on l'écoute après un bête de passage chez Koé, 19h-22h sur NRJ. Koé, 19h-22h sur NRJ. Ça va Kevin ? Ça va, bonjour. Salut mon Kevin. Voilà. Kevin, je te présente Shakira. C'est surréaliste toujours de dire ça, le mec qui est chez lui. Ouais. Il est peut-être en slip dans sa cuisine. C'est ça, c'est Shakira au téléphone. Il se fait un bol de Chocapic. Ouais. Vas-y Kevin. Hola Shakira. Hola. Elle a appris à son conjoint à danser comme elle. He would like to know if you taught your husband to dance like you. He doesn't let me. Non, il ne le laisse pas. Il veut pas apprendre. He's a tough student. Bah, c'est très féminin surtout. Il est un peu dur comme élève. Yeah, it is kind of female the way you dance. Non, ah ben bon, c'est un bon prof. Il pourrait avoir le sens du. No. He doesn't like to dance. No, he likes to dance, yeah, in private. Ouais, en privé, il aime bien danser. Voilà, en privé, on va dire. En privé. Quand il y a personne. À bientôt, Kevin. Merci, à bientôt. Te fais un bisou, mon poteau. Porte-toi bien. Reste avec nous dans un instant. On fera pas mal de trucs. On a le temps. J'ai un truc que je voulais essayer tout de suite. Shakira. There's something you wanted to try right away. Nous, tu connais. Ça marche dans le monde entier, The Voice. Hein, on est d'accord. Yeah, The Voice is all over the world, as we all know. Voilà, t'as été jury en plus. You were on the jury of The Voice, right? Yes, I was. Absolument, ouais. Alors, j'ai besoin de toi. Le principe est simple, je vais tenter de reprendre des chansons, des paroles de tes chansons. He's going to try to cover some of your songs with the lyrics. Tant que la prononciation n'est pas parfaite. Mm-hmm. Until the pronunciation isn't perfect. Elle comprend, elle comprend. Ouais, bah oui, elle comprend. Je peux me coucher. Tout, elle comprend. Tu ne je te. Tout. Ouais, tout. Tant que la prononciation n'est pas parfaite, tu ne te retournes pas. Okay, so you don't turn around until it's not perfect. Et en espagnol, il part de loin. Yeah, no, you don't turn around. You turn. Le caractère de chaise. Ah, la cajou. Ok, le caractère de chaise. Ok. Just a test. Toc, toc, toc. C'est là. Ok, c'est là. Okay. Alors. La prononciation ou la prononciation. Prononciation, rhythm, tout, en fait. Tempo, tout. Tout parfait. Tout parfait. Voilà. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Il part de loin. Je demande d'abord d'être indulgent. Hein. Yeah, I'm a tough jury. Hein. Bah, voilà, elle vient de te dire qu'elle est un peu dure, hein, jury. Ouais, bon. Ouais. Bonne chance. Rabiosa. Attends, je deux secondes. Là, c'était prononciation. D'accord, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Ouais. Okay, that was just practice. Don't laugh. Ne rigole. S'il vous plaît, on se moque pas des artistes. Rabiosa. Rabiosa. Rabiosa. Yo soy rabiosa. Okay, voilà. C'est parti. Okay, non, je continue. Une autre. Okay, another one. Okay, une autre.

Mais pourquoi t'es comme ça, va, va, va, va, va. Chérie, pourquoi? Mais pourquoi c'est your skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show. So let me be, and I'll set you je crie quand je parle, c'est insupportable. C'est après quelques minutes de l'émission de Guillaume Radio 2.0 que j'ai choisi pour vous. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Monsieur, je fais l'armée actuellement, j'aurais voulu réserver une chambre d'hôtel pour demain soir. Ah non, demain soir, on est complet. Ah, demain soir, vous êtes complet ! Demain soir, vous êtes complet ! Est-ce que c'est possible d'avoir la clim ? Est-ce que c'est possible d'avoir la clim ? J'adore la sodomie. Ils adorent se faire prendre le cul. Ils adorent se faire prendre le cul. Eh, on est bon là. Ah, allez, un petit dernier, un petit dernier. Allez, un petit dernier. Un petit dernier. C'est un peu le Dijon. Pour finir ce soir. À l'instant, nous avons Laurent Ruquier. Bonsoir Laurent Ruquier. Bonsoir, on n'est pas couché ce soir, on se braque en plein pour ce soir. Mais il est très très bon. Hein. Ah ouais, il faut dire quand même qu'on a des talents d'imitateur. Ouais, Sabrina, il faudra quand même que je te briefe sur comment on appelle les autres. Non, mais je pense que vu qu'après. Premier mot qui est arrivé dans. Hein, mon grand-père a été président de la Ligue nationale de basket. Ah, c'est rigolo ça. Ah, ouais, bien. Est-ce qu'il veut dire qui c'est rigolo, c'est pas un secret honteux. Ah, bah tiens, salut, mon compte. Hein, salut, rigolo, quoi. Salut, ouais. Mec. Alors attends, si on va voir s'il y a des trucs de fion. Hein. mon grand-père a joué au PSG en pro. Non. Tain, c'est foot, rigolo. C'est qui ça? C'est rigolo. Ah, c'est vrai. Ah ouais, ah ouais. C'est mon père. Ah, ton père, ouais. Ah ouais, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai mal lu, frérot. Attends, viens. Ton père, il était pro au PSG? Ouais, mais il y a longtemps quand ils étaient en. Pour le foot? Bah, c'est ouais. Pas grave. Bah ouais. Attends, c'est rigolo. Comment il s'appelle ton papa? Zlatan Ibrahimovic. Ouais. Non, il s'appelait Olivier, mais. C'est son nom de famille? Ouais. D'accord. Non, c'est son prénom. Ah, bah alors, il est nom de famille. Ah, il était pas connu. Ah, bah c'est mais pas grave. Il jouait, mais il a joué quoi. D'accord, ok. Au voilà. Bah, début du club, ouais. C'est super bien. Ouais. En quelle année c'était? Il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps. En noir et blanc? J'étais pas né, ouais. Ah, d'accord. Ah, okay, ouais. Merci. C'est quoi ton prénom? Maximilien. Merci Maximilien, on va t'applaudir. Bravo. Merci Maximilien. C'est qui le papa? Trop plaisir. T'es de quelle ville, Maximilien là? Neuilly-sur-Seine. Vas-y, bah merci frérot d'être avec nous. Alors ça c'est un peu moins rigolo là. Mes deux parents sont morts dans un accident de voiture. Ah, c'est vrai ou c'est putain c'est super triste. Bon je sais pas s'il a envie de le dire et tout. Ouais. On va pas lui demander de lever la main, mais avec un smiley triste et tout ça. Mince. Bon on t'embrasse. Je sais pas qui c'est, mais on fait. Il veut pas le dire. Il veut pas le dire. Bon, sinon on t'embrasse. Non, mais c'est vrai, c'est super triste. Ça, c'est vraiment triste. Mon cousin est joueur de basket d'une prestigieuse fac américaine. Oh, putain, c'est quoi ce basketteur? C'est vrai? C'est quoi l'université? Yusiani. Avec l'accent. Jusqu'à l'âge de mes 16 ans, tout le monde m'appelait madame au téléphone. Ah ouais, ah, ouais. Ça arrive souvent. Ah. C'est l'agent de sécu qui est au fond. On t'appelait madame ? Oui. Ah, mais maintenant, t'as plus du tout une voix de femme. Plus du tout. Ah, bah c'est très bien. Bah attends, c'est mieux comme ça. Je me suis chié dessus durant l'accouchement de ma femme. J'avais une gastro véridique avec le stress. Je me suis chié dessus. C'est qui ? Il veut pas le dire. Qui a des enfants ? Voilà. Ah, c'est toi qui es debout au fond à gauche, c'est ça ? Tout le monde regarde par là. Personne veut le dire. Ah, c'est toi ? La gêne. Ah, c'est marrant, on s'en fout. Tu t'es chié dessus, Ça c'est bien. C'est peut-être le monsieur au fond assis là-bas, non ? C'est vous. C'est marrant. Ça. On saura jamais. Bon, c'est les secrets du public. Je prends des petits papiers qu'on a fait écrire. J'ai déjà fait la grosse commission dans les toilettes de l'Élysée. Oh non. C'est qui ? Ça, c'est militaire, ça. Ah oui. La classe. Je me suis tapé la demi-sœur de ma copine. Non. C'est qui ça ? Ce qu'ils veulent le dire. Bien c'est joué. Marrant. J'adore bien les secrets du public. Moi, c'est ma passion. Je suis la plus grande fan de Ivana. C'est qui Ivana ? Ivana. Voilà. Bon, c'est pas c'est. Donc, c'est une blague entre potes. J'ai couché avec ma supérieure quand nous étions dans le civil. Putain, non, c'est énorme. Ouais, énorme. Bon, y a personne qui lève la main là. C'est super énorme. J'ose pas. J'ai fait un gangbang avec la meuf de mon pote. Bon, ça j'imagine. Ah ouais, c'est un mytho. Oui, ça. Attends, y en a un qui dit. J'ai fait un malaise. Je fais un malaise cérébral. À chaque fois que je prends le train, j'ai un problème d'oreille interne. Oh là là. Je fais un malaise cérébral et je me mets à pleurer comme une fille. C'est qui? C'est toi, c'est vrai? À chaque fois, je prends le train. Attends, viens, à côté de moi. C'est rigolo ça. Secret du public et tout, vous mettez des trucs et on se fait de la radio, c'est on est en direct. Il est 22h51, vous venez assister à l'émission. Toi, t'es un mec de sécu, c'est ça? Bah, en fait, je suis comme la personne qui est venue faire des pompes tout à l'heure, je suis en métier de la sécurité, sauf que je le connais pas, moi je suis à Drancy. Bah, c'est pas grave, écoute, c'est plaisir en tout cas, merci. C'est quoi ton prénom? Serge. Attends, et t'as quel âge toi, Serge? J'ai 16 ans. 16 ans. Attends, et comment t'as un problème? Dès que tu montes dans le train, tu te mets à pleurer comme une fille? Bah, je pleure, tu vois, je pleure dans ma tête, mais dès que les portes se ferment, pour moi c'est affreux, c'est l'impression que. Ah ouais? En plus, je te dis pas quand le train s'arrête, je suis en panique, mais en plus, si le train s'arrête dans un tunnel, moi c'est fini. Ouais, c'est vrai? Ah, Attends, mais je comprends pas pourquoi, c'est un problème d'oreille interne ou c'est autre chose? C'est juste une phobie? Non, je pense que pour moi c'est une phobie, mais voilà. C'est vrai? Ouais, non, je déconne pas. Tu te mets à flipper dès que t'es dans un train? Dès que je suis dans un train, je me mets à flipper. Putain, c'est un truc de fou ça! Métro aussi ou. Le métro, c'est un peu le train. Ah oui, c'est un peu les mêmes choses pour ça. Mais c'est surtout le RER. Putain, c'est RER. Attends, j'ai fait de la figuration pour le clip de Caris Chouin. C'est qui a fait la figuration pour le clip? Ah, c'est énorme. Il y a plein de mecs. J'adore sentir l'odeur de mes Rangers en fin de journée. Oh, dégueulasse. Attends, il y en a plein là. J'ai trouvé l'adresse de mon prof de maths et j'ai chié devant chez lui. Ah non, je lis les secrets du mec. Je me suis masturbé en pensant à mon colonel, merci. J'ai déjà masturbé un collègue en mission, merci. Ah ouais, d'accord. Mais il y a plein de trucs sympas. Je suis militaire, mais j'ai peur de faire la guerre. Bah, ça, je comprends, mon ami, je comprends. Je ne connais aucune parole de la Marseillaise. C'est pas bien. Il y a des militaires qui ont mis des secrets. Et je me suis fait virer de mon école parce que je regardais un porno au cours. Merci beaucoup. Guillaume Play est avec vous tous les soirs. Et dis-lui qu'il est fou et qu'il est dérangé, hein, ton copain là. C'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. That sets me free. Baby, I just wanna let you know that you're the only one I see. So why are we waiting? My heart is inflating. I wanna feel your jealousy. So why are we waiting? The sunrise is coming. I love it when you fly with me. Oh, come and fly with me.

les pas, mais enfin ma nade. So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with your shape. I gotta tell you, I'm in love with your shape. You said the mother brothers couldn't really juggle your weight. And you were shy in the beginning, used to cover your face. You got that sweet, sweet love, and I'm a sucker for cake. I know, girl, you got a body they will kill for. Loving through whatever, who you trying to skip a meal for? Girl, you're too precious, why you trying to split the bill for? I ain't even guessing, they should have you up on billboards. That's all talking, you can go to work and let me pick up the slack. And when you finish what you're doing, we'll be kicking it back. We can listen to my tunes until you're sick of my raps. And I got money in the bank, but not a figure like that. You got me looking at your shape, man, I've already won. Trying to come and kill the game like my brother Teddy done. I ain't even trying to play it cool, cause this is bigger than my pride. Let me multiply your loving and I hit you with divide, eh? Shit. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Nouveau hit, tout frais. S'étale sur énergie. It music. Dans la nuit me vient, souvent me vient cette mélo à demi-mot, onomatopée, ensoleillée. Daou c'est le son des hautes saisons. C'est comme le plus court des poèmes à l'unisson. C'est comme un tout petit soleil dans un seul nom. Sing it no matter what comes in your way. D-A-O-W is what I say. Every day a new challenge awaits. Yeah, yeah. Don't give up in your life. Just get up, get up, get up, get up. Live up even though it's hard. And say, yeah, yeah. S'évade. Sing it no matter what comes in your way. D-A-O-W is what I say. Every day a new challenge awaits. Yeah, yeah. Don't give up in your life. Just get up, get up, get up, get up. Live up even though it's hard. And say, yeah, yeah. C'est le son d'humanité. Da, da, da, da. Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. Fait couer sur Énergie. Bon réveil à tous, 5h du mat, voici Anne-Marie sur Énergie. Sick of all those other

Sunday sur NRJ, ça faisait trop longtemps. Et bah c'est juste après mon copain Koé. Enfin bon, quand je dis copain, c'est aux collègues. Le 19h-22h, c'est sur NRJ et c'est comme ça. Koé, 19h-22h sur NRJ. Shakira, je le disais, le nouvel album est incroyable. 11e album, El Dorado, sorti le 26 mai en France. Ça, c'est le deuxième extrait de l'album, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Oh, Morito. Ah, Morito. Ah, Morito. Ah, Morito. Did he hear Morito in the song? Est-ce que tu sais faire des mojitos? You know how to make them? No idea. Aucune idée. I know how to enjoy them. Ouais, c'est comment les déguster. On va terminer l'émission avec un Virgin Mojito. Virgin, hein, sans alcool. Okay, attention, we're going to end the show with a Virgin Mojito. Jeune homme, faites-nous le Mojito qui débile le plus rapidement du monde. Il a été champion de quoi? Il a pas de micro, il a rien, ce jeune homme. Il a pas du tout. Il en avait un tout à l'heure. C'est le manager qui a le micro. C'est lui le champion ou pas? Non, il y a eu un champion que tu dois battre. Ouais, le mec a fait 12 Mojitos en une minute, c'est ça. The champion did 12 in 1 minute. Une minute. Allez-y, jeune homme, allez-y. Oui. Vous en faites un beau, vous? Moi, j'en fais un tout de suite, là. Comment on en fait? Comment allez, on fait? On met de la menthe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre un verre. Mais... on va mettre 8 à 12 feuilles de menthe fraîche au fond du verre. On pilonne. On va mettre 4 morceaux de citron, l'équivalent d'une moitié. Ouais. D'accord. On va mettre 2 centilitres de sucre. Ça représente à peu près 2 secondes. Un petit peu de sucre. Tac, ensuite, secondes. On pilonne. Bam. À l'aide du pilon. Ensuite, on remplit son verre à moitié de glace. Ouais, glace. On prend le Perrier. Ouais. On verse. Jusqu'à la hauteur des glaçons, on met un coup de cuillère à mélange, on met deux pailles et là on finit avec un dôme de glace pilé. Et 12 en une minute, c'est chaud, non? Faire. Ouais, 12, ouais, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ça va. Hein, c'est faire bien. Les deux mains en même temps. Did you remember? Je l'ai pris déjà. C'est bon, elle le tient. Eh bien, Shakira. Mémorie, c'est tout. Shakira, nous terminons cette émission en essayant de battre un record entre toi et moi, le premier des deux qui finit deux mojitos. Oh. Mais pas qu'il les boit, hein, qu'il les fait. Hein. Yeah, you have to make two mojitos. Really? Yeah. Allez. Really? Cuisine. Oui, oui. Ok. Tiens, prends le micro. Je voilà. Sais, ok. Hein. Allez, c'est pas n'importe quoi, on regarde, on a l'œil. Tu tiens mon micro. Ah, excusez-nous. Oh, Loris. Bonjour, j'ai pas vu vos fesses. Voilà, un côté chacun. Un côté chacun. Pas retenu, toi? Pas du tout. On mange et tout, dos mojitos. Attendez. Les verres, où sont les verres? Donnez-moi deux verres. Vous devez être prêts. Voilà. Vous avez tout devant vous, là. Toi aussi? Oui, bah, ensemble, together. C'est l'inverse. Deux verres. Ensemble. J'en avais un devant vous. J'en ai un là. Voilà. Là, vous avez le pilon. Là, pareil, pilon, cuillère. Elle pilonne. Elle passe le pilon. Elle pilonne. Ah, t'as pas suivi. Alors, on va commencer par prendre la feuille, la menthe fraîche. Okay. Donc, deux pincées au fond du verre. Non, bah, tu commences déjà, toi. Ben non, oh, wait a second. C'est concours. Attends. It's a concours. Wait the chronomètre. Enfin, wait the chronomètre. Wait a minute. Bon, allez hop. Ready? Le public, je ne vous demande pas qui vous allez encourager. Mettre sur le côté là derrière. Je sais pas qui me parle, les gars. Des gens me parlent dans un casque, ouais, c'est pas ce que vous me dites. Hein. C'est la même j'ai entendu chose. Aussi. Non, c'est pas toi, c'est Kéchon qui vient de passer qui apparaît dans le micro du monsieur. Ah. Non, ça, c'est pour entendu. La fin, pour la décoration. Ah, attention, elle demande des conseils. On n'a pas le droit de demander ça, au mec. Ça. C'est triché, le sens. Elle triche ça déjà. Now you're cheating. Ah, elle a pas suivi, elle a pas elle suivi. Elle n'avait pas écouté. Elle a pas écouté. Je suis capable de faire plein de trucs en même temps. Elle a pas écouté. Ready? Tiens, donne le micro. Non, laisse-le là, tiens. Quelqu'un va le tenir, non? Je sais pas comment on fait. 3, 2, 1, let's go! Alors, regarde-moi le bourrin. Lui, il a pris toute la menthe. Il a pris toute la menthe. Moi, j'en fais deux en même temps. 4. Il en faut 4. Elle a de l'avance, hein, Shakira. Elle a de l'avance. Mais elle a pas mis les citrons. Voilà, elle pilonne. Excuse me. Pilonne. Hop, one, voilà, two. Voilà. One, two, et après on fera goûter au public. S'ils sont dégueux, ça compte pas. Ouais. Elle pilonne. Elle pilonne. Elle pilonne. Hop, la glace. Pilonasse. Merde. Nous, on est un peu. Hop. Non, ça, tu ne peux pas. T'es en retard. Oui, mais elle a pas pilonné. Non, t'as pas pilonné. Hop, elle remue. Merci de faire les elle a de l'avance, hein. Elle pilonne. La paille. Ça y est. Hop, terminé. On a perdu. Très bon, hein. Attends. Wait a second. You don't good. Mais comment tu peux être en retard comme ça? J'en ai fait deux. I make two. Ah, he made two. J'ai gagné. Oui, attends, tu as gagné, mais il fallait en faire deux. Attends, wait a second. Attends, alors nous allons goûter chacun notre mojito. Avec la paille. Excusez-moi. Mais donc elle goûte le tien et toi tu goûtes le sien. Ok. Croisez les mains. You want to test mine? Ok. Ok. Alors? Hein? Bon, dit que c'est dégueu. Koué, 19h-22h sur Énergie. Voir un film, les autres ils sont vilains. On aura la vie là. Il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie, il nous faut de la monnaie. Fais la timide, on te connaît. Tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller, tu aimes bien te coller. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. Mamma mia, ah, mamma mia, ah, mamma mia, ah. Je calcule personne, tu sais, je me balade. Mamma mia, ah, mamma mia, ah, mamma mia, ah. Faut qu'on me laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse. Elle me teste, teste, teste. Je suis dans mon monde, on me dit que je suis malade. L'horoscope du 13 juin sur Énergie. Énergie, l'horoscope. Alors les béliers, vous faire des amis n'aura jamais été aussi facile, vous exercerez une sorte de fascination. Taureau, vous aurez des buts, mais vous aurez du mal à être concret et objectif pour les mener à bien. Gémeaux, n'insistez pas si vos idées ne rencontrent pas l'unanimité, vous ne vous rendrez pas compte que vous dérangerez. Cancer, tournez votre langue dans votre bouche plusieurs fois, car des maladresses verbales peuvent mettre le feu aux poudres, vous êtes sur les nerfs. Lion, vous vous sentez plus libre que le vent, mais cela implique des choix. Vierge, des envies d'indépendance et de changement vous envahissent, commencez par évaluer votre marge de manœuvre. Balance, il vous faudra vous accepter tel que vous êtes, alors que vous aurez envie d'être comme tout le monde. Scorpion, votre force de caractère est là et vous pouvez penser que la volonté suffit pour faire bouger les choses, mais votre ego peut être blessé. Sagittaire, la lune, vous souffle des idées originales qui vous permettront de trouver une solution à un problème récurrent, vous serez le meilleur. Capricorne, vous pourriez payer cher votre besoin d'émancipation, lequel ne sera pas toujours compris. Verseau, libre comme l'air avec la lune dans votre signe, vous n'apprécierez ni les leçons de morale, ni les bourrages de crâne. Poisson, c'est le bon jour pour vous forcer à réfléchir à ce qu'il faut changer dans votre vie pour trouver un sentiment d'épanouissement. Voilà pour l'horoscope. On continue le mode best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie avec deux bons extraits rien que pour vous. Et à 6h du mat, eh ben, il est là en direct sur Énergie avec le retour du fugitif Énergie jusqu'à 50 000 euros à gagner. Sound of Legend arrive avec la météo à tout. Vos stars préférées seront dans les plus grands festivals de l'été. Ah bon ? Avec Énergie. Justin Bieber. This is Martin Garrix. DJ Snake. Feder. Ce petit biscuit sur Énergie. Coombs. Le North Summer Festival à Lille. Summer Stadium Festival à Marseille. Les déferlantes à Argelès. Le Green North Festival près de Rouen. Le Prix Festival. Le Festival de Colmar. Gagnez vos invitations à tout moment en écoutant Énergie. La radio des plus gros festivals. C'est Énergie. Et quand l'incendie a ravagé mon laboratoire de charcuterie, l'expert Mappa a tout de suite réagi pour mettre en place des containers équipés. Oh, et alors ce plateau, pour 8 ou pour 10 personnes? L'assurance multirisque commerce Mappa a tout prévu pour assurer la continuité de votre activité. Avec la Mappa, l'assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire, votre passion est entre de bonnes mains. En ce moment, 2 mois offerts sur la multirisque commerce Mappa pour tous nos commerces assurés. Voir conditions sur mappa-assurance.fr. Gagnez sur Énergie des iPads pour la sortie du film 50 nuances plus sombres en Blu-ray et DVD. Vous voulez devenir une femme entretenue? Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et vous gagnerez sur Énergie votre iPad et le film 50 nuances plus sombres. 50 nuances plus sombres, disponible en Blu-ray et DVD. Énergie, it's music only. Chercher l'âme sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil? Flou au 7-20-12. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 7-20-12. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U au 7-20-12. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Gagnez sur Énergie 1000 euros cash offert par Best Drive. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie. À l'occasion de l'anniversaire Best Drive du 1er au 30 juin, jouez au jeu des 5 mots et gagnez 1000 euros cash avec Énergie. Hit Music Only. Énergie. Écoute énergie, courage à tous pour le boulot et bonjour à Manu et toute son équipe, à Oriane, Blanche-Neige, Nico, Glandu, le journaliste Charles. On les écoute justement 6h-9h30 chaque matin, énergie. Énergie. Manu dans le 6-9. Les hommes se posent des questions sur les femmes et les femmes se posent des questions sur les hommes. Eh ben, on va se poser les questions et on va y répondre. Oriane. Question simple, pourquoi vous aimez autant les patates? Parce que c'est bon. Ok, non, merci. Tu sais quoi? J'adore les patates, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de formes. Ouais. Et surtout, avec les patates, tu peux mettre plein de trucs. De la mayo, oui, de la moutarde, ouais, du ketchup. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les hommes aiment les patates parce que c'est facile. Il y a un côté un petit peu régressif et facile. Mais attends, tu vois, les haricots, c'est facile aussi. Hein. Ouais. Oui, bah, oui, bah, bon, oui, c'est pas une question, c'est que c'est bon avec plein de trucs. Ouais, et puis c'est une valeur sûre, les patates. Pourquoi aller chercher d'autres trucs, d'autres plats un petit peu élaborés? La patate, tu sais que tu peux faire avec ce que tu veux, tu seras jamais déçu d'une et patate. Excuse-moi, il y a un monsieur patate, il y a pas un monsieur chou-fleur. Hein. C'est qu'à un moment, c'est comme ça, c'est humain. Ouais. La patate. Nico. J'ai une question un petit peu directe, mais est-ce que vous aimez les photos de Zizi? Ouf, alors je vais parler en mon nom, pas du tout. Et j'ai jamais compris, par exemple, sur les sites de rencontres ou sur les chats, pourquoi vous persistez à envoyer des photos de votre Zizi sans la tête, enfin même avec la tête d'ailleurs. Bah, sans la tête. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de mecs qui coupent la tête, ce qui est encore plus angoissant. Ah non, tu coupes la tête parce que tu veux pas que les gens, si jamais quelqu'un récupère la photo, tu sais, les mecs qui balancent les photos sur internet. Ouais, tête ou pas tête, ceci dit. Une photo de Zizi, c'est pas joli. C'est pas ce que vous avez de plus beau, hein, votre Zizi. Mais si ton mec, genre toi, il t'envoie une photo. Non, d'accord. Ça m'excite pas. Je préfère un torse, tu vois, à la limite. Ok, Blanche-Neige ? Bah, ça dépend aussi de l'état du Zizi. S'il est plus au repos ou pas, quoi. Et si, qu'est-ce que tu préfères, du coup ? Bah, pas au repos. Au repos, le truc qui pendouille, là. Ok, merci, regardez, compris. Bref, ne le faites pas forcément. Bref, vous avez compris que Blanche-Neige, au standard, attend des photos de Zizi. Non. En érection exclusivement. Mais ton mec t'en a déjà envoyé ? Non, jamais. Ah, d'accord. Bah alors, mais on t'en a envoyé déjà ? Oui. Qui ? Mon oncle, hein ? Non, mais c'est une vanne, Blanche-Neige. Oui, bah, remets-toi. On a Morgane qui est là au téléphone. Bienvenue, Morgane. Salut Manu. Tu te poses des questions sur les hommes, on t'écoute. Eh oui. Pourquoi vous hurlez systématiquement devant la télé? On hurle Alors c'est vrai qu'on hurle beaucoup devant le sport. Devant le foot, les jeux vidéo, tout ça. Ah oui, les jeux vidéo aussi, ouais. Et parce que tu sais quoi, on est à fond dedans. Le foot, c'est comme si c'est nous qui faisions de faire la passe, tu vois. Et quand le mec rate sa passe, bah putain, mais t'es con. Toi, c'est comme si t'étais un pote en fait. Et puis nous, en plus, on regarde des programmes qui nécessitent de crier. C'est-à-dire que moi, je sais que ma femme, elle regarde des séries où elle discute, elle commente tout. Elle a pas besoin de crier parce qu'il se passe pas trop de choses. Mais là, c'est vrai que des matchs. Ouais. Rien ne justifie que vous insultez 11 joueurs que vous ne connaissez pas, si tu veux. On les insulte pas, non. C'est toujours avec respect et courtoisie. Et parfois, quand on s'énerve, on leur dit pardon. Et c'est eux qui en ont rien à foutre. Ils se retournent pas, ils gardent pas la caméra pour dire ok, t'es excusé. Excuse-moi. Je te remercie de nous avoir appelé, Morgane. Je te souhaite une belle journée. Il y a Tristan qui a une question pour les femmes sur Twitter. Oui. Avec le hashtag Malu dans le 6-9. Vous simulez plus que vous n'avez d'orgasme? Oh, bonne question. Ah. Oh, ça. C'est terrible. Tu sais quoi, ta réponse est terrible. Ah, tu croyais que ça allait être une réponse genre non? Non, oui, mais genre le ouh, bonne question. Bah, ça dépend de ton partenaire. Si tu restes 2 ans avec quelqu'un avec qui t'es pas très compatible, oui, tu vas plus simuler que tu n'as d'orgasme. Et parfois un homme qui te donne des orgasmes quasi à tous les coups. Oui, mais en moyenne, par exemple, tu prends le début de ta vie jusqu'à aujourd'hui, d'après toi. Pour, t'as pour plus simulé part, ou plus eu? Je suis sur un 40-60. Le 40 équivaut à mes orgasmes. Donc t'as plus simulé. Ouais. D'accord. Blanche-Neige au standard? Oh non, quand même. Moitié-moitié. 50-50? Ouais. La meuf qui veut pas se mouiller, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais qu'il y a ton mec qui t'écoute en ce moment. Il y a moyen. Ok. On a Donovan qui est là au téléphone. Bonjour Donovan. Salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie ce matin. Tu as une question pour les femmes, toi aussi, on t'écoute. C'est ça. Pourquoi vous, les femmes, vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de bains? C'est vrai que vous prenez plus de bain que nous, hein. Pour moi, c'est une forme de thérapie. Ça fluidifie mes pensées. Quand je suis dans le bain, j'arrive à régler vachement de problèmes que j'arrive pas à faire hors de l'eau. Enfin, à régler hors et de l'eau. Et sous la douche, non? Non, j'ai besoin d'être en position allongée, voire affalée. Et que mon corps soit rempli d'eau. C'est très thérapeutique comme théorie. Un psy m'a dit que pourquoi j'arrivais mieux à réfléchir et à me soulager dans le bain, parce que ça a rappelé le liquide dans le ventre de ma mère. Et il paraît que tu te sens rassuré et protégé dans le bain comme dans le ventre de ta mère. Merci de cette image que tu viens de nous coller. Ah ouais. Bah ouais. Je suis pas prêt de reprendre un bain. Merci de nous avoir appelé, Donovan. Tout à l'heure, 6h-9h30, Manu, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et si on changeait de vie? Ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix, ça nous rendra plus forts. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu seras fidèle, fidèle, fidèle, fidèle. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même en prenant toutes les tiennes. Je serai fidèle, fidèle.

Chose à dire. Manu est déjà là, de 1, je lui laisse le studio de 2 et a gagné jusqu'à 50 000 euros grâce au Fugitif Énergie. Bon, il vous en dit plus juste après et il y a aussi le double du salaire. Vous pouvez vous inscrire sur energie.fr pendant. Manu dans le 6-9. Il est arrivé cette chose très gênante à 2% des hommes lors de leur première nuit avec une femme. S'endormir. Non. C'est un peu cracra ou pas c'est... À chaque fois, c'est Nico qui demande. Est-ce que c'est un peu cracra? Ouais, j'ai l'esprit un peu. Oui, c'est un peu cracra. Tu penses à quoi? Un prout. Un prout. C'est pas énorme, 2%. Non. C'est arrivé à 2% des hommes lors de leur première nuit avec une femme faire un prout. C'est pardonnable. Écoute. Bah, évidemment, c'est voilà, pardonnable. C'est la nature, c'est vous, votre corps, la non-maîtrise de votre corps. Mais ça peut arriver à la femme aussi, hein? Ah oui, non, ouais, je bah ne oui. pas, non. Je ne pense pas, Manu. Les moments. Alors, quelle est la chose la plus gênante que vous ayez connue au lit? C'est un bon truc. Oriane. Je suis tombée du lit. Tombée du lit. Tout bêtement. En fait, j'ai voulu changer de position et quand c'est la première nuit avec un mec, t'essayes d'avoir l'air un peu active pour faire l'âne un peu sauvage et du coup, j'ai propulsé mon corps dans le vide plutôt que sur l'autre partie du lit. En fait, j'ai mal géré la distance de la propulsion de mon corps. Ça doit être d'un coup, le mec, il se retourne, il fait il s'est barré. Et là, il entend oh non, je suis là. Je suis en bas. Je suis tombé. Oh merde. Nico. Moi, j'ai un moment gênant qui m'arrive, mais quand même assez régulièrement, c'est les crampes quand je fais l'amour. Alors, tu sais quoi ouais. Ça m'arrive aussi. Ouais. On a des... Mais tu sais quoi? Je crois que c'est parce qu'on n'est pas souple. Ah ouais, moi, je suis pas souple du tout. Mais bah, c'est pour ça. J'ai les crampes aux fesses et un petit peu à la cuisse. Ouais, mais et aux pieds aussi, des fois. Ouais, et, ouais. Et aussi aux mollets. Oh, mais ça doit être terrible. Mais oui, oui. Mais c'est régulier en plus. Hein. Ouais. Surtout, ça arrive tout le temps quand t'es bien lancé. Quoi. Tu sens qu'il y a vraiment un truc qui va se faire dans. C'est quoi, comme si on voulait nous punir? Ouais, c'est ça. C'est hop, hop, hop, pas trop vite, mec. Ouais, tu sais, il y a le dieu de la crampe, il a fait tiens, bim. Prends ça, toi. Glandu. Au début, t'essayes de rien dire. Tu te dis, ça va passer, elle va rien remarquer. Mais la crampe grandit. Et il y a un moment où ça casse l'instant. Ah, bah, à un moment, t'es obligé de le dire. Ouais. Hein. Oui. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Excuse-moi, là, faut que je. Ouais. Faut que je marche. Oh, la chouchotte. Mais non, mais ça fait hyper mal une crampe. Oh, écoute, tu vis avec, hein. Rachad, bonjour. Bonjour Manu. Bienvenue sur LRG. Rachad, il t'est arrivé quelque chose quand tu faisais l'amour d'un petit peu compliqué? Un petit peu en effet. En fait, ce qui s'est passé, c'était lors d'une caterie de madame. Mmh. Elle voulait me faire plaisir et je me suis endormi. Oh, là oh non. Bah comment tu peux t'endormir à ce moment-là? Oh là là. Bah, la fatigue du taf s'accumulait et c'était un soir, donc après j'ai peu dormi la semaine. Et pas très longtemps, peut-être 5 minutes, je me suis endormi, j'ai une crise de conscience, je me suis réveillé aussitôt. Elle s'en est aperçue? Ah bien sûr, oui. Oui, elle s'en est aperçue. Oh, ça doit être tellement vexant quand mais même. Il n'y a pas d'excuse, c'est quand même énormément de boulot, hein. Vous n'êtes peut-être pas au courant, vous, mais c'est un taf. Franchement, c'est dégueulasse. C'est pas ta faute, Rachat. Bon, t'étais épuisé, mais il n'y a pas d'excuse là. Et là, c'est la travailleuse qui parle. Excuse-nous. Et attention, là, ça rigole pas. Hein. Les travailleurs ont besoin d'être rémunérés à un juste salaire. On se plie en 8, on fait tout pour la petite gâterie. Et résultat, vous, les bourgeois, vous vous endormez. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Merci de nous avoir appelé, Rachat. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Dès 6h, c'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Ha ha! Todo el mundo! La maman!

karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Et bim, prends ça dans la tête, Charlie Pousse. Alors, 5h55, soyez les bienvenus les amis, on est mardi, c'est le 13 juin aujourd'hui, bon sang, on est mardi 13. Oui. Ah non, c'est vendredi, pardon. Voilà. Eh ben, tout va bien, alors on est mardi 13, soyez les bienvenus, 5h55, l'émission démarre dans 5 minutes, mais avant ça, c'est le club du 555. Comme chaque matin, on est ensemble à 5h55, qu'est-ce que c'est le club du 555? C'est un club très privé. Pour y rentrer, pas besoin d'avoir de mocassins. Pas besoin d'avoir une veste, non. Pas besoin d'avoir une cravate, pas besoin d'avoir une chemise blanche, il suffit d'être réveillé. Ce serait tellement pratique si on pouvait rentrer en boîte simplement parce qu'on est réveillé. Ouais. Eh ben, on en fait partie tous ensemble du club du 555. On est là, et qu'est-ce qu'on fait? Avant l'émission, avant de démarrer vraiment la journée, on s'écoute un titre qui va nous lancer cette journée. Il fait chaud partout en France en ce moment, c'est caliente. Mmh. Et là, on peut se dire, on va s'écouter un morceau un petit peu brésilien, ah, cool. Un morceau un petit peu chaud, soleil. Allez. Eh ben, pas du tout. Ah, non, ok. Non, ce matin, je me sens tendre. Ce matin, je me sens rêveur. Ok. Voici All City et Fireflies. Ah, ouais. Vous rappelez de ça? Ah, oui. Laissez-vous aller. Faites-vous des massages. Sentez comme l'air est beau ce matin dans la forêt magique de Perlimpinpin. Soyez les bienvenus sur Energy, c'est Malu dans le 6-9. On démarre dans 3 minutes. Voici All City, Fireflies. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me. I'd like to make my C'est rigolo quand même de terminer la chanson au téléphone. Bon. Il est 6h sur Énergie. Bon réveil. On est de retour pour démarrer cette journée tous ensemble. Soyez